Bonsoir, bonsoir, c'est Prog à part, l'émission du rock progressif, édition novembre. Ah, que j'aime ce style d'émission où on ne passe que des seconds couteaux, mais quel couteau! Dans cette émission, pendant les à peu près 2 heures, vous n'entendrez aucun grand groupe. Et pourtant, c'est des gens qui ont du talent. Car Prog à part, c'est là aussi un des buts de cette émission, c'est de faire découvrir des talents en devenir, des gens en progrès. On va démarrer tout de suite avec Christopher Gildenlow. Je l'ai dit sans m'enfourcher la langue. C'est l'ex-bassiste de Pain of Salvation. Il était en concert et nous étions quelques bienheureux à le voir. Il était en concert, je disais, au péage du rock, et il nous a enchanté avec ses mélodies mélancoliques. Tout de suite, extrait de son dernier album, The Rain. C'est franchement bien, n'est-ce pas? Christopher Guildenlow. Un festival tout de beauté qui était, ma foi, fort varié, allant du classique prog à des choses un peu plus métal, à des choses un petit peu plus rock à la française, je pense notamment à Motis. Donc, un petit régal. Le seul regret, c'est le manque de public, une centaine de personnes. Mais où étiez-vous? Pour 25 euros l'entrée et 5 groupes, si je dis pas de bêtises, franchement, il y a des fois, on comprend pas. J'aime beaucoup le label Black Widow, ce label italien qui nous sort des petites pépites de la péninsule. Vous connaissez mon faible pour le rock progressif italien. Et là, coup sur coup, j'ai reçu plein de belles choses qui sont pas certes complètement italiennes, mais il y en a pas mal. Et je vous propose de les découvrir ensemble. On démarre tout de suite avec ce qui m'a retenu le plus. Il Cerchio d'Oro. Et un album intitulé Il Fuoco Sotto la Cenere. Il Fuoco Sotto la Cenere. Vous allez voir, c'est du prog 70s symphonique comme on l'aime. Tout de suite sur Prog à part, le 100.7. Dentro lingue di fuoco sento dentro me, mentre un tremore sta salendo su, l'alcol mi chiama e son sicuro che da quella strada non ritorno più. Du grand progressif symphonique italien 70s, comme on l'adore, il Cerchio d'Oro, et c'est tout de la même trempe. On continue sur le label Black Widow, label italien avec de Gênes pour être plus précis, avec un groupe qui est lui scandinave, Arabs in Aspic. Arabs in Aspic. Avec un nom comme ça, les gens sentent, du moins je l'espère, le clin d'œil à King Crimson, Arabs in Aspic. Et effectivement, l'influence crimsonienne est évidente pour ce groupe scandinave. Ça rappelle forcément des groupes plus contemporains comme Anecdoten ou Anglagard. Et donc, vous en déduisez que c'est de très haut niveau. Et c'est le cas. Leur nouvel album s'intitule Sindenes Magi. Sindenes, plus loin, Magi. Tout de suite, Arabs in Aspic. Yeah. Med høyvånden i midten, med vassen ned på klør, hvor ingen under andre verken lykke eller død. Er en sport den lukket, den låst for deg og meg. Nøkkelen har du mistet når du ser en annen vei. Av jord er du kommet, og til jord skal du bli, og aldri gjennomstå. Yeah. ceux qui étaient à Gong vont me dire, tiens, ça me rappelle des choses. Effectivement, un concert de Gong qui était d'ailleurs fabuleux, vraiment d'un très haut niveau, merci à eux, avec un public assez nombreux, hein, plus de 200 personnes, assez variés. Il n'y avait pas que des vieux de la vieille, hein, et j'ai vu des gens de 25-30 ans. Donc ça fait plaisir à voir. Et une première partie avec nos amis de Silk qui étaient présents lors de la dernière émission, qui ont assuré un maximum, notamment Richard Pic et bien sûr Gilbert Gandil qui nous a déversé de superbes solos façon Pink Floyd. On continue donc notre exploration du label Black Widow et de ses nouveautés automnales avec Desert Wizard, les sorciers du désert. C'est italien, on revient en Italie, avec un album intitulé Beyond the Gates of the Cosmic Kingdoms. Beyond the Gates of the Cosmic Kingdoms. Et vous allez voir, c'est encore plus psyché que ce qu'on vient d'entendre à l'instant. We'll be right back. Vous aimez le psychédélique et quand il est italien encore plus, eh bien on va continuer avec autre nouveauté de chez Black Widow, Muffs. Alors ça s'écrit M-U-2-F et X, Muffs. C'est vraiment dur à prononcer. Hein. Et le titre de leur album, de ce combo italien, L'ora di tutti, l'ora di tutti. Voilà, on exclut tout de suite sur Prog à part, l'émission du rock psychédélique et progressif, tout comme Acid Dragon d'ailleurs. We'll be right back. bien, j'espère que les amateurs de néo-prog sont restés, car je leur ai mis de côté une petite pépite, un TNNE. Ça vous dit quelque chose? Si je vous dis The No Name Experiment, ah là, ça vous dit un peu plus. Groupe luxembourgeois, eh bien, ils sont de retour sur cet autre label bien sympathique, Progressive Promotion Records, un label allemand. Ils sont de retour avec un nouvel opus intitulé Wonderland. Et les influences de Marillion sont, une fois de plus, présentes, et c'est tant mieux. Je vous propose un morceau, c'est le dernier, qui s'intitule « Le fil du temps », qui est en français. Et oui, c'est bien agréable de comprendre ce que ces bougres disent. Non pas qu'ils prononcent mal l'anglais, mais je sais bien qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas l'anglais, n'est-ce pas? Eh bien, tout de suite, « Le fil du temps ». Disparaissent. The No Name Experiment sur Prog à part. On part aux États-Unis avec une nouveauté qui n'en est pas une, avec des Américains qui se prennent pour des rois et qui font une bande originale de film en double CD. Mais qu'est-ce qu'il raconte le père Thierry ? Eh bien, j'ai reçu un album assez curieux d'un groupe donc américain qui s'intitule We Stood Like Kings. Et ces gens-là ont édité une bande originale de film pour un film, bien sûr, qui était sorti en 82, d'un monsieur qui s'appelle Godfrey Reggio. Et ce film, alors attention, il va falloir que je me mélange pas trop les pinceaux, s'intitulait Koyaanisqatsi. Voilà, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est, à quoi ça ressemble? Ben, vous allez tout de suite écouter, vous allez voir que ça ressemble à quelque chose de très très beau. Voilà, ils sont quatre, double album, donc, par ce quartet We Stood Like Kings. Thank you. We stood like kings. On va passer à des choses un petit peu plus industrielles, musclées, un peu moins vaporeuses, avec un groupe norvégien, Major Parkinson. Vous allez voir, ça rappelle pas mal Rammstein, et ça va plaire, à mon avis, à mes deux amis Olivier. Donc, groupe norvégien, ça je l'ai dit, j'ai oublié le titre, Black Box. Vous allez voir, c'est bien foutu. Tout de suite, Major Parkinson. commence notre récit, tout n'est que paix et silence dans le courageux petit village gaulois. Dunker ! Sol 100.7. Thank you. The Nature of Solitude, la nature de la solitude, superbe album du British Ryan Yard, Yard. Et d'ailleurs, je vais en mettre un petit peu en fond sonore pour la revue de presse et également pour vous annoncer les différentes manifestations concernant le prog courant novembre. Alors on démarre tout de suite avec trois fanzines, trois magazines qui me sont chers, des partenaires, des amis, allez, on peut le dire. Tout d'abord avec Progressiste, les Belges, Progressiste numéro 90, incroyable, numéro 90, 10 euros pour 132 pages. J'ai noté notamment dans ce numéro 90 une interview de Pye Hastings, oui, le monsieur de Caravane, une interview d'Eloy et du patron d'Eloy, Frank Bornemann. J'ai noté également une biographie des Cars et une chronique qui me paraît fort sympathique, rien que par le titre « Humour et prog ». Voilà, c'est dans Prog Résiste, les Belges, numéro 90, 132 pages, et ça coûte 10 euros. En France, cette fois-ci, quoi de neuf ? Quoi de neuf ? On est à son numéro 102. Les bougres, ils n'arrêtent pas de bosser aussi. Ils sont maintenant en couleur pour notre plus grande satisfaction. Quoi de neuf, numéro 102 ? 8 euros, 72 pages, 72 pages, 8 euros. J'ai noté notamment dans ce numéro un article de fond sur The Enid, sur Procolarum et surtout la belle Anneke en couverture recto et verso. On termine avec le fanzine Plouk Magazine, gratuit, offert pour à tous les adhérents d'un pied dans la marge. Vous savez, c'est le fan club d'Ange. Numéro 67, déjà, 67, avec notamment la rubrique des dessins d'Éric Martola, oui, le chanteur de Messaline, coucou Éric. Un portfolio sur le concert de l'Eden Sossenheim, où Ange a enregistré le prochain album devant 650 personnes. Voilà, notamment pour ce numéro 67, j'ai oublié de vous dire qu'il avait 28 pages, et pour le recevoir, il suffit d'être adhérent au club des amoureux de Ange. Ça coûte tout simplement 30 euros. Allez, on y va maintenant pour tout ce qui est spectacle live. Je note samedi prochain à Messimi, si je dis pas de bêtises, à 20h, le festival des grosses guitares animé par mon ami Pascal Indelicato, ex Silver Lining. Au menu cette année, Franck Carducci, eh ben oui, eh oui, coucou Franck. Également un groupe de haute volée de reprises Led Zeppelin qui s'intitule Zepp 7, Voilà, c'est à 20, ça démarre à 20h, il y a encore une autre formation, les grosses guitares, samedi prochain. Et si vous êtes toujours vivant, le 13 novembre, c'est un lundi, c'est lundi prochain, votre humble serviteur fera une conférence sur le rock symphonique au sein du rock progressif. Et ça a lieu donc au Mozarteum Club de France. Ça se trouve rue de Marseille, au Mozarteum Club de France, lundi prochain à 18h. Enfin, mon ami Olivier m'a indiqué un concert d'Epica et de Vure avec deux U et un R. Vure, c'est le nouveau combo de la belle Anneke X The Gathering. On y sera, n'est-ce pas Olivier ? Cette émission, vous la trouverez bien sûr en podcast sur le site d'Acid Dragon, aciddragon.eu, et vous cherchez Prog à part en qualité haute qualité HQ, puisque c'est enregistré in the studio. Et on termine donc cette émission avec, à mon avis, un des meilleurs disques de cette édition de novembre. Phoenix Again, c'est un groupe italien qui, comme son nom l'indique pas, fait du progressif 70s façon Genesis et Camel. J'en vois déjà certains qui salivent et ils ont raison. Un nouvel opus intitulé Unexplored, c'est paru comme par hasard chez Black Widow. Le serpent se mord la queue. Tout de suite, un large extrait de ce Phoenix Again. Voilà, c'est fini. Les meilleures choses ont toujours une fin. Vous retrouverez l'émission très rapidement dans la semaine, donc en podcast. Ça vous permettra de la réécouter, de redécouvrir ces seconds couteaux, comme je disais avec l'ami Michel, qui mérite largement le détour. Vous pourrez également réécouter d'anciennes émissions, les précédentes. Hein, je pense que vous trouverez des petites pépites. Voilà, on remercie au passage les fanzines que j'ai citées tout à l'heure, les labels Black Widow, dont j'ai parlé beaucoup, mais aussi Charisma avec un K qui a édité donc le groupe qui ressemblait à Rammstein tout à l'heure. Voilà, c'est des labels sympas qui nous font confiance et comme dit l'édito de progressistes, sans eux, nous n'existerions pas et eux ont bien besoin de nous. Voilà, sur ces paroles philosophiques, je vous laisse et suivant la formule consacrée, tenez tati, à que la prochaine. C'était Prog à part, une émission présentée, proposée, réalisée par Thierry Sportouche. Prog à part, la voix, bien sûr, d'Acid Dragon. C'est fini.